Ne serait-ce qu'un instant de ces indulgences éphémères que l'on savoure inconscient, sans un regard en arrière. Ne serait-ce qu'un secret où l'on blottit sa vie, ses équilibres parfaits de nos douceurs dans la nuit. Ne serait-ce qu'un rêve, quand une seule nuit tu m'as gardé, abusé de nos fièvres, à tes désirs j'ai succombé, à la douceur de tes lèvres. Je me suis senti exister, mais au réveil je crève, sans un regard tu m'as laissé. Est-ce qu'un matin, lesté de l'eau, silence autour gris quotidien, de toi ne reste que l'absence, ne serait-ce qu'une errance, là où tu m'as laissé, attendant ta clémence, les épaules liées. Ne serait-ce qu'un rêve, quand une seule nuit tu m'as gardé, abusé de nos fièvres, à tes désirs j'ai succombé, à la douceur de tes lèvres. Je me suis senti exister, mais au rêve